Yeah. Pop, pop. Bang bang. Désert. Bang bang. J'ai dit bang bang. Et ouais, moi c'est désert sur cette terre. J'pourrais y passer des heures. Ah, c'est sectaire comme mec. C'est d'art pas chez Marseille des œufs. Ça fait bang bang. C'est la prod adré. 2016 meuse, ça pèse. Non, non, vous êtes pas prêts. J'ai encore un tas de paperasse à faire. Mais j'ai la tas de papier projet. J'voyage en classe à faire. Toi t'as pas ton blaze sur la pochette. Peut-être à la prochaine. Moi j'suis toujours dans les parages. À la frontière, c'est Netour City Plage. Pas la cité portuaire. J'écris toujours mes textes d'une traite. Un word d'une trêve. C'est la deuxième guerre dans la tête. Ne crois pas que la parole est brève. Le symbole d'une ère. À cause du syndrome d'Hitler. Combien faudra passer de mauvais hivers pour faire partir ces mots qui m'évisèrent. Par chance, j'suis pas somnambule. J'dors pas seul en boule. Les rues sont sur la nuit. Tant que j'écoute cette musique en boucle. Ils veulent du fric qui rend fou. Du fric et s'en foutent. Avoir de la weed qui sent fort, enfile ta combi et vide le four. On met des vides portes de malbouffe. Triste cigogne sur qu'elle s'immole. Depuis qu'elle a vu comment le mal bourre, j'ai dit on met des vides portes de malbouffe. Triste cigogne sur qu'elle s'immole. Depuis qu'elle a vu comment le mal bourre. Désert. Bang bang. Bang bang. Yeah yeah yeah. Nique les jaloux qui font des airs et protège ton dos. Ça c'est pour les cervelles à l'été. On prend des prod, c'est la seule manière de nous exprimer. De nous exprimer. Sur instru je récidive, j'ai des récits tristes. Vu que tout se précipite dans le précipice. Digital, high above your triune brain. Burnt out the gates and implants with welder's flame. It's the cosmic pescian, pineal gland activated. Brain hemispheres calibrated. Astral traveling through galactic nebula. The flow avatar, psychic capabilities. Burning at a million degrees. I'll be resting in a cocoon through universal night. I transcend death and I transcend life. I cross timelines and parallel dimensions. Instigating gravitational tensions. The mystic seer applying arcane technology. Combining quantum physics with the book of Deuteronomy. Subvert your planetary systems economy. Construct vehicles powered by telepaths. I've studied fifth dimensional math. Discovered equations known only to the ancient alien civilizations. Particle accelerating. Space and time, I bend beats and rhymes into whole new topographies. You need a multidimensional map to follow my geography. I surf the waves of existence into the great vacuum. Flowers in the stream of consciousness with the witch's broom. 25th century warlock, I leave your soul shocked. And your spirit awakened, have you glimpsed in reality? Leave your whole frame shaken, don't be mistaken. I entered the mind of sentient beings seen. The inner universe, I was the first to burst from the cosmic mind. From the realm of ideas, now I manifest matters of molecules into pure light. To manifest the human sight, manifest the human sight.